offer to your God the dance of eyes, the dance of eyes. Sisters. maison. Vous avez choisi la radio du rire, vous avez raison, mesdames, messieurs. Je sais pas pourquoi je vais le dire. My loving. Il est minuit. Bonsoir et bienvenue dans le programme Chéri FM, Christophe Doré pour vous emmener jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à 5h du matin. Et au programme cette nuit, des chansons que vous aimez. Vous nous avez téléphoné au standard du programme Chéri, on vous en remercie. Vous avez demandé Charles Aznavour, Jacques Brel, Charles Trenet, Barbara Streisand et Enrico Macias. Vous aurez toutes ces chansons. Et pendant que vous écouterez toutes ces chansons, eh bien moi je serai ailleurs. Ça ferait longtemps que j'aurais zappé. J'écouterai Space Party avec Cocteau sur Énergie parce que Charles Trenet. Oui, Charles Trenet. Moi je m'en tape, Aznavour, je m'en fous, je m'en contrefous, je me goinfrerai de Sperminator, de Tragic Error, d'Eva, oui je vais m'en foutre plein la gueule, vas-y Cocteau, vas-y. Avec Chéri FM, on ne peut pas s'empêcher de chanter, on ne peut pas s'empêcher de chanter, on ne peut pas s'empêcher de chanter. Thank you. Bye.

Énergie, le 11e Space Party s'achève. Il y avait dans la deuxième session Eric Prado avec Globe Story, Ace of Space, Apollo, Eva, Serene Pilippi. Si vous avez chez vous un home studio, si vous faites des titres techno, vous pouvez envoyer vos slows à Énergie, 39 avenue Diana, 75 116 Paris, sans oublier de marquer Space Party. Sachez qu'il va falloir attendre une semaine avant de danser le Sirtaki avec les Gypsy Kings, avant de faire un méchoui avec Dick Rivers, le commandant Cocteau. C'est OCTO dans la radio, vous embrasse et sachez que pour toute communication avec le Space Party, vous faites 3615, code énergie, boîte de lettres, Cocteau, COCTO. Je voudrais remercier aussi un certain Christophe Deray, un animateur concurrent dont je tairai le nom de cette radio parce qu'on l'a assez entendu tout à l'heure. Donc à mon avis, d'ici la semaine prochaine, laissez les deux dans la prise et surtout faites des cendriers en rotin. Pour l'instant, 2h du mat. Attention mes frères, l'heure du grand choc.